القانون الإداري الإجباري يقول وباتريشي Quand tu tombes plus bas que terre, faut pas que tu crois que t'es au sommet. Ouvre les yeux, mais on n'est pas le premier. Voir l'orgueil te joue des tours. Sur ton corps, tu pèses lourd. Cherche le rayon, faut pas que t'ailles vers le néant. Faut pas que t'ailles vers le néant. La victoire devient défaite quand ton heure est souillée. Quand tu tombes plus bas que terre, faut pas que tu crois que t'es au sommet. Ouvre les yeux, mais on n'est pas le premier. Voir l'orgueil te joue des tours. Sur ton corps, tu pèses lourd. Cherche le rayon, faut pas que t'ailles vers le néant. Faut pas que t'ailles vers le néant. Les gens sont devenus fous, ralliés. Ils pensent qu'à s'afficher. Qui va monter sur le podium le premier? Bienvenue dans le monde de l'artifice, là où le réel n'existe pas. Sors ton compte en banque et ta bête de carrossa. Où est le respect? Où ça en est les valeurs? L'artificiel prend de l'ampleur. Personne n'apprécie personne à sa juste valeur. Artifice, viens voir ton dans les coulisses. Compris, trahison, c'est pire qu'un homme qui surprend sa femme en flagrant. Le mensonge ne dure pas, les belles paroles encore moins. Pense au rendez-vous de demain, demain. La victoire devient défaite quand ton air est souillé. Quand tu tombes plus bas que terre, faut pas que tu crois que t'es au sommet. Ouvre les yeux, mais on n'est pas le premier. Voir l'orgueil te joue des tours. Sur ton cœur, tu pèses lourd. Cherche le rayon, faut pas que t'ailles vers le néant. Faut pas que t'ailles vers le néant. La victoire devient défaite quand ton air est souillé. Quand tu tombes plus bas que terre, faut pas que tu crois que t'es au sommet. Ouvre les yeux, mais on n'est pas le premier. Voir l'orgueil te joue des tours. Sur ton cœur, tu pèses lourd. Cherche le rayon, faut pas que t'ailles vers le néant. Faut pas que t'ailles vers le néant. Garde ta vie honnêtement, pense à offrir un lendemain meilleur à tes enfants. La vie fait pas de cadeaux, ça tu le sais. Fais pas comme ceux qui ont choisi le chemin de la facilité. Crois-moi, je suis bien placé pour en parler. Trop de frimes, les gens sont devenus fous. Faux, pas se laisser tenter. Les tentations autour de toi rôdent. Toi trouver les bonnes manières et la bonne méthode. Pas toi contre toi-même. À qui ton avenir, à la sueur de ton front. Je sais que c'est hard, mais sache que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comment faire pour garder le cap? Ça bascule tous les côtés, même dans le rap. La victoire devient défaite quand ton air est souillé. Quand tu tombes plus bas que terre, faut pas que tu crois que t'es au sommet. Ouvre les yeux, mais on n'est pas le premier. Voir l'orgueil te joue des tours. Sur ton cœur, tu pèses lourd. Cherche le rayon, faut pas que t'ailles vers le néant. Faut pas que t'ailles vers le néant. La victoire devient défaite quand ton air est souillé. Quand tu tombes plus bas que terre, faut pas que tu crois que t'es au sommet. Ouvre les yeux, mais on n'est pas le premier. Voir l'orgueil te joue des tours. Sur ton cœur, tu pèses lourd. Cherche le rayon, faut pas que t'ailles. Juste un petit bonhomme qui vient du tiers-monde. Tendu, trop fendu. Pourquoi tout le monde court après la maille? J'attaque à moi armé sur le beat, je fais mal. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas vivre éternellement. Mais qu'est-ce que tu crois? T'es dans le bon exemple, c'est ce qui te semble. Toi-même tu sais où tu te fous le doigt. La vie est un test d'endurance, brûle pas les étapes. Reste sage, fais gaffe à la différence entre tes actes et ton visage. Balance cette cadence qui te rend si vulnérable. Reste humble. Au diable cette fortune mal acquise. Personne ne peut t'obliger à changer ta vie, agis à ta guise. La victoire devient défaite quand ton air est souillé. Quand tu tombes plus bas que terre, faut pas que tu crois que t'es au sommet. Ouvre les yeux, mais on n'est pas le premier. Voir l'orgueil te joue des tours. Sur ton corps, tu pèses lourd. Cherche le rayon, faut pas que t'ailles vers le néant. Faut pas que t'ailles vers le néant. La victoire devient défaite quand ton air est souillé. Quand tu tombes plus bas que terre, faut pas que tu crois que t'es au sommet.